franceinter.com. La Syrie a-t-elle tenté de se doter de l'arme atomique? Et l'aviation de l'État hébreu a-t-elle brisé dans l'œuf cette tentative? Tel était le sujet la semaine passée de mon dernier entretien avec M. X. Et selon mon interlocuteur, l'audacieux et mystérieux bombardement effectué en septembre 2007 d'un site syrien situé dans le désert visait une installation nucléaire secrète, sans doute un réacteur destiné à produire la matière fissile d'une bombe. Mais le silence observé tant à Damas qu'à Tel Aviv à propos de cette affaire n'a guère permis d'en savoir beaucoup plus. Même s'il semble à peu près avéré que la Corée du Nord a été impliquée dans la tentative syrienne, et peut-être aussi l'Iran, le meilleur allié de la Syrie. En effet, selon les révélations d'un général de Téhéran qui a fait défection, ce réacteur aurait été une installation nucléaire délocalisée, financée par l'Iran et destinée à expérimenter l'autre filière de fabrication d'une bombe, celle du plutonium. Alors que sur leur propre territoire, les Iraniens, on le sait, ont choisi la technique de l'uranium enrichi. En détruisant ce réacteur, Israël aurait donc aussi frappé l'Iran, dont les ambitions nucléaires inquiètent au plus haut point les dirigeants israéliens. Monsieur X annonçait aussi que le raid des F-15 israéliens était vraisemblablement à l'origine d'une série d'événements mystérieux, assassinats et attentats, qui ont été observés récemment en Syrie, l'un des pays les plus secrets du monde arabe. La suite dans un instant. سلفغيت ساعة وصغي سحر قضولي ويفغك ميت والي طويقاني سذلني ومن تمذل غانتي اللي ينسينا ينسينا ناس سلفاغ في اللبس تعسعي برداني جارات عادي هي حملة على وليد تسفلالي تولغ الصورة وتترقيق من ملل تول نذل جنفين توالي ركب غيسي هنا غاد تصدسا كان واحد ولا نيد مدن قرن سداف وهالي ينسينا ces événements que je vous annonçais, un dernier mot sur le site d'Al-Kibar, là où se serait trouvé le mystérieux réacteur syrien bombardé par les Israéliens en 2007. Lorsque les premières rumeurs ont couru sur la véritable destination du bâtiment, l'AIEA a réagi. L'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, faut c'est rappeler. Ça. Hein. Et cet organisme international de contrôle a immédiatement demandé des explications à la Syrie. À la Syrie, qui est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Et s'est donc engagé à ne rien dissimuler de ses activités en matière nucléaire. Oui. Par conséquent, si vraiment le réacteur d'Al-Kibar a existé et était même sur le point de fonctionner, c'était en contradiction avec les engagements de Damas. Naturellement. Et très logiquement, l'AIEA a demandé à visiter le site. Mais je vous dis, hein, les Syriens avaient fait le ménage. Et déblayé le terrain, oui. Et malgré ces précautions, les autorités syriennes ont fait lanterner pendant des mois les inspecteurs de l'AIEA avant de les autoriser à se rendre sur le terrain. Alors, et quand ils y sont enfin allés? Ils ont bien sûr passé au peigne fin le sol à proximité du site et ont mis en évidence la présence de particules d'uranium artificiel, c'est-à-dire issues d'un traitement chimique. Ouais. La preuve qu'il y avait bien là une installation nucléaire. Mais pas une preuve absolue, parce que les Syriens ont prétendu que ces particules d'uranium provenaient des missiles israéliens qui avaient frappé le site. Et dans la foulée, Damas a interdit aux inspecteurs de se rendre sur 3 autres sites suspects où on avait repéré d'importants travaux de terrassement. C'est un indice supplémentaire que la Syrie avait vraiment des choses à cacher. Hein. Et finalement, Damas autorisera l'AIEA à visiter l'un de ces sites, mais refusera toute nouvelle inspection d'Al-Kibar. Cependant, en même temps, les dirigeants de l'agence internationale ont vivement reproché à Israël de ne pas les avoir alertés préalablement à propos de l'existence de ces activités nucléaires clandestines. Mmh. Israël qui subit par ailleurs en ce moment des pressions de plus en plus fortes au sujet de son propre arsenal nucléaire. Oui, c'est un secret de polichinelle. On sait très bien que les Israéliens possèdent plus d'une centaine de têtes nucléaires. Oui, mais ils n'ont toujours pas signé le traité de non-prolifération. Ils refusent que leurs installations soient inspectées. Toutefois, les Américains qui plaident pour un Moyen-Orient dénucléarisé pourrait bien les obliger à signer le traité, ne serait-ce que pour prouver à Téhéran qu'en ce domaine, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Mais voyons maintenant ces curieux événements qui ont suivi le bombardement israélien. Des événements qui ont un rapport direct avec ce raid aérien? Pas forcément, mais ils sont révélateurs de la guerre secrète qui se déroule en ce moment dans cette région du monde entre Damas et Téhéran. Alors, par où commence-t-on? Par un assassinat, le 2 février 2008. Et donc quelques mois seulement après la destruction du bâtiment d'Al-Kibar. Hein. Oui, ce 2 février, un homme d'une quarantaine d'années sort d'un immeuble abritant le centre culturel iranien situé à Kafar Souceh, le quartier chic de Damas. Un lieu aussi très surveillé, car on y trouve à deux pas le QG des Moukhabarat, les services secrets syriens, et également le siège de l'agence syrienne de l'énergie atomique. L'homme monte dans son auto, un gros 4x4, et aussitôt c'est l'explosion. Une déflagration si violente que le corps de l'individu est projeté jusque dans le hall d'un bâtiment voisin. Et cet homme? Il s'appelait Emad Mounier, et c'était l'un des hommes les plus recherchés par les services occidentaux. Le renard, comme l'avaient appelé les agents de la CIA, car malgré la traque incessante dont il était l'objet, il avait toujours échappé à ses poursuivants. Il avait même subi des opérations de chirurgie esthétique pour mieux se dissimuler. Mais à plusieurs reprises, il avait failli être liquidé. Et deux de ses frères avaient péri dans des attentats à la voiture piégée à Beyrouth. Et qu'est-ce qui lui valait d'être ainsi traqué? Mounier était le chef de l'OSE, l'organisation de sécurité extérieure du Hezbollah libanais, qui signait souvent ses opérations djihad islamique. Ah oui, et à ce titre, très proche des services de renseignement iraniens, ce chiite libanais s'occupait de l'approvisionnement en armes du Parti de Dieu. Au moment où il a été tué, il travaillait en particulier à reconstituer l'arsenal du Hezbollah après la guerre de 2006. C'est-à-dire après la guerre entre Tsahal et le Hezbollah au sud Liban. Oui, une guerre qui peut reprendre à tout moment. Et Mounier était chargé d'équiper le Hezbollah avec des roquettes plus puissantes. Des armes d'origine iranienne. Naturellement. Mounier était donc dans le collimateur du Mossad israélien. Mais je vous l'ai dit, pas seulement. Car cet homme qu'on présentait comme le chef militaire du Hezbollah avait un passé très chargé. Ainsi, il était soupçonné d'avoir été directement mêlé à l'organisation des terribles attentats contre les contingents états-uniens et français de Beyrouth en 1983. On lui attribuait aussi la responsabilité des attentats antisémites de Buenos Aires. Ouais, dans les années 90. Sans compter d'autres attentats commis en Arabie Saoudite. Et c'est pourquoi les Américains avaient mis sa tête à prix pour quelques 5 millions de dollars. Ouais. Et que savait-on de son engagement dans ces formes d'action très violentes là? C'est pas à moi de lui trouver des excuses, mais pour expliquer son parcours, il faut tenir compte de ses origines. Imad Mounier est né au sud Liban, une région où les troupes israéliennes sont intervenues à plusieurs reprises. Et ça s'est traduit par la mort de nombreux civils et la destruction systématique des villages. Et comme beaucoup d'autres, la famille de Mounier a dû fuir vers la banlieue sud de Beyrouth. Le futur fief du Hezbollah. Mounier a donc grandi dans ce climat d'extrême violence. Et il en a conçu une haine viscérale pour l'État hébreu. Alors, revenons à l'attentat qui lui a coûté la vie en février 2008. J'imagine qu'on y a vu aussitôt la main des Israéliens. Bien entendu. Le mode opératoire, la voiture piégée grâce à une charge explosive, sans doute dissimulée dans l'appui-tête du siège du conducteur, ressemblait bien aux méthodes utilisées par les agents du Mossad. Mais alors, c'est le Mossad ? Très certainement. Même si, comme d'habitude, le service secret israélien s'est abstenu d'une quelconque revendication. Et à Tel Aviv, on n'a pas manqué de se réjouir à l'annonce de la liquidation de ce dangereux ennemi d'Israël. Toutefois, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Que voulez-vous dire là ? Eh bien, rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos du lieu choisi pour l'attentat. Oui, un endroit particulièrement surveillé. C'est ça. Et même en tenant compte de l'audace des tueurs du Mossad et de leur savoir-faire, je ne pense pas qu'ils auraient pu agir sans disposer de certaines complicités. Mais des complicités, d'accord, mais qui ? Les Syriens. Les Syriens qui ont au minimum fermé les yeux. Ça me paraît quand même insensé. Damas entretient des liens privilégiés avec le Hezbollah. C'est juste. Mais d'autres considérations ont pu jouer. Rappelez-vous notre conversation de la semaine passée. Je vous ai longuement parlé d'un général iranien qui, après avoir été une taupe occidentale, a préféré fuir son pays. Ouais, et faire défection. Mais quel rapport entre le passage à l'ouest du général Asghari, c'est ça, et l'assassinat de Mounier? Je vous ai dit que le général avait été le chef des gardiens de la révolution au Liban pendant les années 80. À ce poste, il avait donc des rapports avec le Hezbollah qui, au départ, il ne faut pas l'oublier, est une antenne iranienne au Liban. Une organisation souvent chargée de perpétrer des mauvais coups pour le compte des mollahs iraniens. Dont les prises d'otages d'occidentaux. Quand ce général Asghari est passé à l'ouest, il a fait de nombreuses révélations. Et d'abord, m'avez-vous dit, sur la coopération nucléaire entre l'Iran et la Syrie. Avec la collaboration technique de la Corée du Nord, oui. Mais il a aussi parlé de l'implication de la Syrie, qui représente pour le Hezbollah une sorte de base arrière et qui permet aux armes en provenance de Téhéran de franchir la frontière libanaise. Vous commencez à comprendre ? Oui, mais soyez plus explicite, là. Damas, sous l'autorité de Bachar el-Assad, mène un jeu très singulier. D'un côté, le président syrien a scellé une très forte alliance avec l'Iran, mais de l'autre côté, il essaie aussi d'en finir avec l'ostracisme qui frappe son pays. L'ostracisme des puissances occidentales. Et principalement des États-Unis, qui l'accusent de soutenir des organisations terroristes. Oui, puis il y a aussi ce soupçon au sujet de l'assassinat de Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais. Un soupçon qui a gravement entaché la réputation de la Syrie. Mais d'autre part, il y a parallèlement ces négociations intermittentes avec Israël, par l'intermédiaire de la Turquie. Bachar al-Assad doit donc en permanence mener une politique d'équilibre. Et parfois, pour se faire bien voir, il faut donner des gages. L'élimination de Mounier aurait été l'un de ces gages ? J'en suis convaincu. C'était l'ennemi juré des Américains et des Israéliens. Et tant à Washington qu'à Tel Aviv, on a certainement apprécié ce geste de bonne volonté. Rendez-vous avec X. La politique étrangère de la Syrie semble en effet pétrie de contradictions. J'emprunte ces quelques lignes à une note d'analyse rédigée par Dimitri Dombret en janvier 2010, un chercheur associé à l'ESISC. Désireuse de se faire bien voir de la communauté internationale, mais cultivant son amitié avec l'Iran, la Syrie a jusqu'ici joué profil bas et manœuvré en coulisses. Damas considère, jusqu'ici avec raison, qu'en restant suffisamment discret, qu'en ne franchissant pas les lignes rouges, elle pourra sortir de son isolement, conforter son emprise régionale et accéder aux moyens qui lui permettront un développement économique que son expérience socialiste a durablement compromis. Dans le même temps, le régime syrien sème le trouble en Irak, soutient les miliciens palestiniens opposés à la paix avec Israël, domine plus que jamais son petit voisin libanais et continue de bafouer les droits de l'homme. Les manœuvres de Damas ont jusqu'ici porté leurs fruits. Pour un pays qui n'a pas de ressources énergétiques, la République arabe de Syrie a réussi à valoriser sa position stratégique au cœur du Moyen-Orient. Cependant, n'oublions pas que, comme l'Irak de Saddam Hussein jadis, la Syrie tente de développer des armes de destruction massive, soutient le terrorisme et a une fâcheuse tendance à intervenir chez ses voisins. En tout cas, même si la Syrie a été peu ou prou impliquée dans l'assassinat d'Imad Mounier, ses propres amis du Hezbollah et en premier lieu son chef, Nasrallah, n'ont jamais évoqué publiquement ce soupçon. Oui, ils se sont contentés d'accuser Israël. Bien sûr. Mais dans la coulisse, il en est allé autrement. Le Hezbollah, mais aussi, très certainement, l'Iran, ont demandé des explications aux autorités de Damas. Ils n'ont certainement eu aucune difficulté à remontrer aux Syriens que le Mossad n'aurait pu agir seul dans un quartier aussi protégé et où Mounier ne se sentait absolument pas menacé. Alors, réaction de Damas, à votre avis, là, face à ces insinuations ? Bachar el-Assad est un fin politique, et il s'attendait à être ainsi mis en cause. Aussi a-t-il réagi comme l'aurait fait son père, Hafez el-Assad. Et il en a profité pour éloigner des premiers cercles du pouvoir un homme qui était devenu trop influent. Qui ? Son propre beau-frère, Assef Shafkat, le chef des renseignements militaires. En l'accusant de ne pas avoir prévenu l'attentat qui a frappé Mounier ? Et en agissant ainsi, Bachar el-Assad faisait coup double et même triple. Ah bah expliquez-moi. Bah d'abord, il donnait satisfaction aux amis de Mounier, puis il punissait l'homme qui n'avait pas su protéger le site d'Al-Kibar contre une éventuelle frappe israélienne. Ah, car c'était son service aussi, le service de Shafkat, là, qui était chargé de cette protection ? Eh oui. Ensuite, il écartait un homme qui avait été très probablement mêlé à l'assassinat de Rafik Hariri. Alors, il donnait donc satisfaction au Liban. Et à la communauté internationale. Shafkat ayant été aussi l'artisan de nombreux autres méfaits orchestrés par la Syrie. Enfin, je vous l'ai dit, il se débarrassait également d'un homme de la vieille garde qui risquait, peut-être, de devenir un jour ou l'autre un rival. Mm-hmm. Fin de l'histoire, alors ? Ah non, car peu de temps après, au mois d'août 2008, un autre coup de tonnerre allait ébranler le pouvoir syrien. Je vous raconte. Le général Mohamed Souleyman, l'un des plus hauts personnages du régime, est à son tour assassiné. Et qui était-il exactement ? Ce très proche conseiller du président Bachar el-Assad avait la haute main sur toutes les affaires militaires et d'une façon générale sur tous les dossiers les plus sensibles. Il était même plus puissant que le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Membre de la communauté alaouite, il avait été l'un des compagnons d'Hafez el-Assad et il a personnellement dirigé la formation politique et militaire de Bachar, qui, je vous le rappelle, n'était pas destiné à succéder à son père. C'était le fils aîné qui devait prendre la suite. Hein. Mais Bassel a trouvé la mort dans un accident de voiture et c'est Bachar, l'ophtalmologiste, qui a été appelé en toute hâte à prendre la succession de son père. Le général Souleyman était donc l'un des piliers du régime et au palais présidentiel, il s'occupait à peu près de tout, et même du choix des ministres. Au physique, c'était un rude gaillard qui arborait une solide moustache noire, un peu à l'image de Saddam Hussein. Mais il était cependant beaucoup plus discret que le dictateur irakien, et c'est à peine si on le connaissait en Occident. Et dans quelles circonstances a-t-il été assassiné ? Le 1er août, un vendredi, il part, comme il en a l'habitude, dans sa résidence secondaire au nord de Damas, au bord de la mer. un endroit luxueux où de nombreux dirigeants bassistes possédaient aussi une maison. Donc là encore, un lieu très protégé. Et Suleiman disposait d'une garde personnelle d'une vingtaine d'hommes qui ne le quittaient jamais des yeux, même quand il allait nager. Et selon des sources syriennes, c'est justement au cours de sa baignade qu'il a été atteint par plusieurs balles tirées par une arme dotée d'un silencieux. Mmh. Et où se trouvait le ou les tireurs ? Vraisemblablement sur un bateau qui croisait le long de la plage et qui a ensuite pris de large. Et les gardes du corps n'ont rien pu faire ? Non, ils n'ont même pas entendu les détonations. Donc un coup très très bien préparé. Et qui n'a pu être exécuté que par une organisation qui connaissait parfaitement les habitudes du général. Un service secret. Ça y ressemble effectivement si l'on accepte la version syrienne. Alors, avant de voir qui a éventuellement perpétré cet audacieux assassinat, voyons ce qui s'est passé après. D'abord, la région est immédiatement bouclée par l'armée. Oui, mais ça ne sert à rien puisque les assassins, vous avez dit, se sont dirigés vers la haute mer. Vous avez raison. Et peu importe, ce qui est plus curieux, c'est que la nouvelle attendra 24 heures avant d'être communiquée. Vous avez dit que le régime cultivait le secret. Bachar el-Assad est alors sur le point de se rendre en voyage à Téhéran. Il ne modifie en rien son agenda et il n'assiste donc pas aux obsèques qui ont lieu selon la coutume musulmane dès le samedi soir. Plus étonnant est le fait qu'à son retour, il ne se rende pas dans la famille du général Suleiman pour présenter ses condoléances. Et d'ailleurs, il repart aussitôt pour la Turquie. Alors, que faut-il conclure de cette apparente indifférence ? Difficile à dire. Suleiman était certes un des hommes forts du régime, mais la justice internationale s'intéressait à lui en raison du rôle qu'il a peut-être joué dans la préparation de l'attentat contre Rafik Hariri. Il avait même déjà été entendu une première fois par le juge chargé de l'affaire à la frontière syro-libanaise. Ce magistrat avait sans doute encore beaucoup de questions à lui poser. Et les plus malins se sont rappelés, fort à propos, qu'un précédent dignitaire syrien, Ghazi Kanaan, ministre de l'Intérieur, avait été retrouvé suicidé dans son bureau. Et lui aussi était susceptible de faire des révélations sur l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais. C'est très possible. Et peut-être même aurait-il pu donner des informations sur le véritable donneur d'ordre. Bachar el-Assad ? Pourquoi pas ? Donc, vous insinuez que cette deuxième mort tragique aurait pu avoir pour objectif d'empêcher Suleiman de parler à la justice internationale ? C'est une hypothèse qu'on ne peut tout à fait exclure. Et ça expliquerait l'attitude du président syrien après la mort de Suleiman. D'autres pistes ? Eh bien, une nouvelle fois, on ne peut pas s'empêcher de penser au Mossad. Ouais, à cause, si j'ose dire, de la dextérité d'exécution. Évidemment. Il y avait aussi le mobile, le général Suleiman. En raison de ses fonctions, était lui aussi lié au Hezbollah. Mais en tant que véritable patron des forces armées de Damas, il était également l'un des plus hauts responsables du programme nucléaire syrien et plus généralement de toutes les recherches en matière d'armes de destruction massive. Or, Israël soupçonnait depuis longtemps Damas d'avoir équipé des missiles de tête chimique. Israël ne manquait donc pas de mobile pour abattre Suleiman. On pouvait aussi envisager la candidature d'autres pays ou organisations. Alors, lesquels ? Le Hezbollah n'avait pas toujours digéré l'assassinat de son principal chef militaire, Iman Mounir. Et la mise à l'écart d'Assef Chakwat n'avait peut-être pas suffi à étouffer leur ressentiment. Et puis, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et également les dirigeants iraniens, appréciaient peu la politique de rapprochement de Bachar el-Assad avec l'Occident et surtout le dialogue qu'il avait entamé avec Israël. L'assassinat du général Suleiman aurait pu être une sorte d'avertissement adressé au président syrien dont il était l'un des plus proches conseillers. C'est une hypothèse qui a été émise par des gens très sérieux. Ah ben et vous alors ? Moi, je penche pour une autre version. Je pense en effet que Suleiman a été liquidé par ses propres compatriotes. Et j'en veux pour preuve que ce très sophistiqué scénario du sniper, qui lui tire dessus à partir d'un bateau, a été vraisemblablement inventé de toutes pièces. Ah mais pourquoi alors ? Mais pour faire croire à un assassinat perpétré par un service secret étranger. Le Mossad, bien sûr. Mais en réalité, Suleiman n'a pas été abattu alors qu'il se baignait en mer. Non, il a été froidement liquidé alors qu'il se trouvait dans sa villa de vacances. Et sans doute devant ses proches. Ce qui explique ensuite la curieuse attitude de Bachar el-Assad. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'attitude de Bachar el-Assad, pour reprendre l'expression de M. X, apparaît en effet assez curieuse. Extrait d'un article d'octobre 2008 de Christophe Boltanski paru dans le Nouvel Observateur. Le mutisme des autorités favorise les pires rumeurs. Guerre de l'ombre, crime d'État, règlement de compte. Par son attitude, le président syrien Bachar el-Assad ne fait qu'accroître un peu plus le doute. Au lendemain du meurtre, à la surprise générale, Bachar se rend à Téhéran pour des entretiens avec son homologue Mahmoud Ahmadinejad. Une visite de routine destinée à rassurer son allié iranien après sa participation à Paris au sommet sur l'Union pour la Méditerranée. Quand éclate la nouvelle, il est hors du pays. On l'a d'abord vu souriant, puis décomposé, livide, se souvient un ancien diplomate. Était-ce un rôle de composition ? Non seulement il n'a pas retardé son voyage, ce qui aurait été parfaitement compréhensible au regard des circonstances, mais lorsqu'il revient, deux jours plus tard, c'est pour repartir aussitôt en vacances en Turquie. Aux funérailles, il se fait représenter par son frère, Maher. Il ne vient même pas exprimer en personne ses condoléances à la famille du défunt, comme le veut la tradition, de quoi aviver les soupçons. Mais pourquoi le pouvoir syrien se serait-il débarrassé de l'un de ses plus hauts dignitaires ? Parce qu'il en savait trop sur beaucoup de sujets délicats et qu'il devenait dangereux pour le président syrien lui-même. Un peu à l'image alors d'Assef Shafkat, là, le chef des services de renseignement. Mais celui-ci était l'époux de la sœur de Bachar. On s'est donc contenté de l'éloigner, de le placer en résidence surveillée. Il n'est donc pas exclu qu'il connaisse un jour un retour en grâce. En tout cas, vous l'avez compris, depuis le raid israélien sur le site nucléaire d'Al-Kibar, quelque chose semblait détraquer au cœur même du pouvoir syrien. Mais dans un régime aussi opaque, il était difficile de comprendre exactement ce qui se passait, car ce n'était pas fini. À quoi encore ? Fin septembre, donc deux mois après l'assassinat du général Souleyman, une voiture piégée explose dans un quartier sud de la capitale syrienne. 17 personnes sont tuées et une quinzaine d'autres sont blessées. Et c'est surprenant à plus d'un titre. Mais pourquoi ? Mais parce que les attentats sont extrêmement rares en Syrie, un pays qui fait l'objet d'un quadrillage policier rigoureux. Et les Syriens sont plutôt réputés pour perpétrer des attentats ailleurs que sur leur propre sol. Ensuite, il y a le Choisi, un endroit assez peu fréquenté, mais où se trouvent plusieurs bâtiments appartenant aux services de sécurité, mais aussi les bureaux d'organisation iranienne. Liés donc aux services de renseignement de Téhéran. Oui, il ne faut pas oublier que c'est à partir de Damas que les Mollahs gèrent leurs relations avec le Hezbollah libanais. Cette proximité ouvre donc de nombreuses pistes. Mais d'abord, il faut expliquer comment une voiture bourrée de plusieurs dizaines de kilos d'explosifs a pu pénétrer dans un lieu aussi surveillé. Et puis, il y a la provenance des explosifs. La Syrie ni l'Irak, ni le Liban, pays où pullulent de nombreuses organisations terroristes et où on peut se procurer assez facilement des explosifs. En Syrie, il n'y a que dans les stocks de l'armée qu'on trouve ce genre de produits. Est-ce qu'il pourrait indiquer alors l'existence de complicité au sein même des forces armées ? C'est une possibilité. Alors, essayons de voir d'où aurait pu venir le coup. Pour les autorités syriennes, il s'agissait à l'évidence d'une tentative de déstabilisation du régime. Oui, d'accord, mais menée par qui ? Comme d'habitude, les premiers visés sont les Israéliens. Votre avis ? Je n'y crois pas. Israël, qui avait déjà frappé un grand coup en bombardant le site nucléaire d'Al-Kibar, n'avait pas intérêt à fragiliser la timide tentative de négociation esquissée avec la Syrie par l'intermédiaire de la Turquie. Peut-être, mais il y avait la présence dans ce quartier des bureaux iraniens. C'est vrai. Et nous allons le voir un peu plus loin. Les services israéliens étaient engagés dans une redoutable guerre secrète contre les Iraniens. Oui, à cause de leurs ambitions nucléaires. C'est évident. Mais il ne fallait pas exclure une action perpétrée par des opposants syriens, même si je n'y crois guère. Pourquoi alors ? Le système policier mis en place par le clan des Assad a laminé toute opposition interne. Et pour perpétrer un attentat aussi spectaculaire, les opposants syriens auraient dû bénéficier d'une infrastructure qu'ils ne possédaient pas. Il y avait enfin une troisième piste qu'il ne fallait pas négliger, Al-Qaïda. Et cette piste-là avait la faveur des services de sécurité du pays. Mais quel aurait été le mobile de l'organisation terroriste ? Le rapprochement du gouvernement de Damas avec l'Occident. Un rapprochement qui avait eu pour conséquence une surveillance plus stricte de la frontière entre la Syrie et l'Irak. Et donc des difficultés supplémentaires pour les candidats au djihad qui voulaient passer en Irak via la Syrie. Et un appauvrissement par conséquent du recrutement d'Al-Qaïda en Irak. Oui. Toutefois, quitte à vous décevoir, je pense que la solution se trouve en Syrie même. Mais vous m'avez dit que l'opposition n'avait pas les moyens de commettre un tel attentat. L'opposition connue, celle qui s'exprime à l'extérieur du pays. Mais les derniers événements le prouvent. Il existe une autre opposition, clandestine et diffuse, celle-là, à l'intérieur même des cercles du pouvoir. Et c'est ainsi qu'il faut interpréter l'éviction de Yasef Shafkat et l'assassinat du général Souleymane. Il y aurait donc une faction hostile à Bachar el-Assad. Oui, et ça se traduit par une lutte entre les représentants de la vieille garde, les compagnons de feu Hafez el-Assad, et les jeunes loups qui se hissent aux premières places avec le soutien de Bachar. Je simplifie bien sûr, mais cette bagarre entre les deux clans s'exprime aussi en matière de politique étrangère. Les anciens en tiennent pour une alliance indissoluble avec l'Iran, tandis que les plus jeunes voudraient que leur pays s'oriente plus résolument vers une ouverture à l'Ouest. Et Bachar el-Assad lui-même, alors, il pencherait vers ce rapprochement avec l'Occident ? Je crois qu'il est très tenté. Mais nous l'avons vu, c'est un champion du double jeu. Et tout en donnant quelques satisfactions aux modernistes, il maintient le cap sur l'alliance avec Téhéran. Et il n'est pas prêt de changer, car la Syrie bénéficie ainsi du parapluie militaire iranien. Mais pour revenir à cet attentat de septembre 2008, qui aurait ordonné le coup alors ? Des membres de la vieille garde. Oui, mais vous avez une preuve ? Directe, non. Mais j'observe que peu après cet attentat meurtrier, la télévision syrienne a annoncé sans commentaire la mort d'un général et de son fils. Et qui ? Un certain Georges Al-Gorabi. Il était responsable du département de la production militaire. Et il aurait été mêlé à cette affaire ? Je n'en sais rien. Cependant, je vous ai souvent dit que je ne croyais guère aux coïncidences. Ouais. Mais si vous avez raison, là, quel aurait été l'objectif poursuivi par les auteurs de cet attentat ? Je pense qu'ils ont voulu adresser un avertissement à Bachar el-Assad. Attention, n'allez pas trop loin dans votre politique d'ouverture à l'Ouest. Un avertissement que le président syrien a entendu ? Certainement. Mais cela apparemment ne l'a nullement dissuadé de continuer à pratiquer sa politique de double jeu. Et on en a eu une nouvelle démonstration un mois après l'attentat de Damas. Une affaire extrêmement curieuse. Mais de quoi s'est-il agi là ? D'une incursion de l'aviation états-unienne en territoire syrien. C'est un épisode très grave, et pourtant on en a guère parlé. Même si, c'est évident, le gouvernement syrien a émis une protestation officielle contre cette violation de sa souveraineté. Alors le détail de cette opération là ? Le 26 octobre 2008, 4 hélicoptères américains pénètrent dans l'espace aérien syrien et attaquent un village situé non loin de la frontière irakienne. 8 civils sont tués. Des dommages collatéraux, ça. Effectivement. Mais la véritable cible de cette attaque a été atteinte. Le dénommé Abu Ghadia a été assassiné. Et qui était celui-là, hein? Un terroriste irakien qui était aussi l'un des organisateurs de la contrebande vers l'Irak. Contrebande en armes, en argent et en combattants du djihad. Un chef d'une filière, donc. Et sans doute un responsable important de l'organisation d'Al-Qaïda en Irak. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette opération meurtrière a été conçue en parfaite collaboration avec les services syriens. Ce sont eux qui ont repéré Abu Ghadia et l'ont désigné aux Américains. Mais encore une fois, avez-vous une preuve? Tout à fait. Les radars syriens ont parfaitement détecté l'incursion américaine. Et la défense aérienne syrienne en a référé au commandement général. Il lui a alors été ordonné de ne pas réagir. Je pense que c'est clair, non? Ouais, nouveau gage syrien donné à Washington. Bah, on peut imaginer. Quoi qu'il en soit, la Syrie n'en a pas fini avec la violence. En décembre 2009, un autocar de pèlerins iraniens a explosé dans un quartier de Damas. Il y aurait eu 3 morts. Explication officielle, un pneu du véhicule aurait explosé. Ça me paraît couché de fil blanc, ça. D'accord. Coïncidence, le principal dirigeant du Conseil suprême de la sécurité iranienne se trouvait alors en visite à Damas. C'est l'homme qui préside aux négociations sur le nucléaire iranien. On a alors émis l'hypothèse que parmi les pèlerins se trouvaient des scientifiques qui cherchaient à fuir leur pays. Des hommes qu'on aurait alors essayé d'éliminer avant qu'ils ne fassent défection à l'ouest, tout comme le général Asghari? C'est assez vraisemblable. Et Damas aurait discrètement donné un coup de main aux Iraniens. Qu'en concluez-vous, là? Ben, il y a fort à penser qu'on se trouve là devant un nouvel épisode de la guerre secrète que se livrent Israéliens et Iraniens. L'enjeu étant le nucléaire iranien qui fait tellement peur à l'État hébreu. Et pour vous persuader de la réalité de cette lutte clandestine, ben, il suffit d'énumérer quelques événements récents. Fin 2007, un scientifique iranien de haut vol, Adeshir Hassanpour, est retrouvé mort à son domicile. Il aurait été empoisonné. Juin 2009, un physicien nucléaire iranien, Sahram Amiri, disparaît au cours d'un pèlerinage à la Mecque. Qu'est-ce qu'il veut dire? À mon avis, il n'a pas disparu pour tout le monde. Il a sans doute été exfiltré par le Mossad ou la CIA. En tout cas, dès qu'il a été entre les mains de l'un ou l'autre de ses services, il a donné des informations de première main sur le programme nucléaire iranien. Autre exemple, fin 2009, un scientifique iranien est capturé en Géorgie. Puis en janvier 2010, Massoud Ali Mohammadi, un professeur de physique nucléaire, est tué à Téhéran dans l'explosion d'une moto piégée. Enfin, très récemment, en avril 2010, un autre savant iranien a fait défection grâce au Mossad. Et la Syrie, enfin, d'après vous, est malgré elle impliquée dans cette guerre secrète? Comme elle a été impliquée dans le programme nucléaire iranien. Et Bachar el-Assad, fidèle à sa politique de double jeu ou d'équilibre, comme vous voudrez, se débrouille pour donner des gages aux uns et aux autres. Une position délicate, mais qui seule garantit sa survie et celle de son régime. Dès la semaine suivante, dans les programmes d'été de France Inter, commence une série de rediffusions de Rendez-vous avec X, avec pour commencer un retour sur ces événements de Sétif qui ont tant fait parler au Festival de Cannes. Bonnes vacances à tous et particulièrement à ceux qui n'auront pas la chance ou les moyens de partir. Une lecture enfin, la sortie en édition de poche des Espions russes, une recension de quelques émissions de Rendez-vous avec X, une coédition France Inter Nouveau Monde. À samedi prochain donc pour cette rediffusion et sur franceinter.com vous pourrez réécouter cette émission. Rebecca de Nantes l'a préparée avec Pierre Firsion. Merci aussi à Valérie Ayesteraï, Michel Billou qui l'ont mis en onde et Monsieur Joub qui l'a musiqué. Et tout de suite après le flash et au-deux mon amour de Denis Chessou, du verre enfin.